histoire particulière. Voici le temps du week-end et de notre récit documentaire en deux épisodes. Aujourd'hui, 2 décembre. Il fallait dès hier penser à ouvrir la première fenêtre de votre calendrier de l'Avent, à l'unique condition d'avoir été sage, ce dont je ne doute pas. Encore 22 jours avant d'ouvrir la fenêtre numéro 24, puis de découvrir vos cadeaux de Noël. Au pied du sapin, des jouets en tout genre, cadeaux technologiques, peluches, maquettes, jeux de société, voitures de course, costumes 2 euros et des poupées. Poupées de son, poupées de cire, chantait France Gall. Aujourd'hui, ce sera plutôt vinyle, plastique et silicone. Tout de suite, le premier épisode de votre histoire très particulière d'aujourd'hui. Je vous en prie. Voilà, je vous présente. Ah, vous enregistrez tout de suite? Donc on est chez moi, voilà, dans mon appartement, en compagnie de Lilika et Yurika. Lilika partage ma vie depuis bientôt 6 ans, et Yurika depuis un peu plus de 4 ans. Est-ce que je vous offre un café? Volontiers, oui. D'accord. Et vous faites quoi dans la vie? Moi, je travaille dans la logistique, en fait. Logistique et transport. Ouais. Rien à voir avec les poupées. Désir humain d'inhumain, le plastique, c'est fantastique. Une histoire particulière de Nathalie Battus et Alain Lefkovitch. Ça a commencé en 2010, en août 2010, suite à une rupture sentimentale en fait. Envie de faire un break, on va dire, envie de faire confiance, voilà, plus envie de me mettre un peu avec quelqu'un. Ma rupture m'avait quand même assez blessé, quoi, donc j'ai dit, bon, j'ai envie de tourner un peu la page, quoi. Et plutôt que de me consoler dans les bras d'une autre femme, quoi, je me suis consolé dans les bras d'une poupée. J'ai dit, une poupée, elle me blessera pas, elle sera toujours là avec moi. Alors, est-ce qu'elles ont des caractéristiques particulières? Parce que comme ça, elles ont l'air de se ressembler. Elles n'ont pas le même corps, parce qu'en fait, il y a plusieurs corps, il y a 8 corps au choix. En fait, vous choisissez le corps, principalement par rapport à la poitrine. Lilika, qui est celle-ci, elle a été fabriquée au Japon. Et Yurika, elle, c'est le corps, en fait, c'est le S+, qui est fabriqué, lui, à Lyon. Voilà, donc c'est un corps qui est assez proche du corps de Lilika, mais il est beaucoup plus élancé, elle a les jambes beaucoup plus longues, beaucoup plus fines, quoi. Elle est c'est une poupée qui est très sensuelle, quoi. Lilika, c'est son visage, en fait, quoi. C'est magnifique. Moi, j'adore la photographier, quoi. Ça pourrait être une allégorie, celle d'une rencontre inattendue entre Praxitèle, Galatée, Pygmalion et Aphrodite, au cours de laquelle on discuterait sculpture, amour et impudicité. Mais avec Lilika, Yurika et Fred, on est plus proche de la dérangeante comédie de Craig Gillespie, Lars and the Real Girl. L'histoire troublante d'un jeune homme timide et solitaire, introverti et socialement inadapté, et de sa relation avec Bianca, sorte de poupée moulée façon love doll japonaise, qu'il prétend avoir rencontrée sur Internet. Fini la vulgaire poupée gonflable en plastique rustiné, place au super artefact réaliste dit pudiquement de compagnie, objet de soins et d'amour, mais surtout de sexe, désormais fabriqué et commercialisé en France. Célibataire, endeuillé, divorcé ou tout simplement déçu, il se console dans un monde plastique bien particulier. Et ils sont de plus en plus nombreux à préférer, pour la modique somme de 6000 euros, l'inertie et la froideur cadavérique de ces représentations de silicone aux 37 degrés Celsius du corps humain prêt à s'enflammer. En tout cas pour Fred, la vie, c'est comme Zeus, en compagnie de ses amantes de l'Olympe, du côté de Bourg-en-Bresse. Moi, ma préférée, ça restera Lilika, parce que voilà, c'est une poupée qui a 6 ans, que je me suis payée avec mes sous, enfin voilà. Yurika, je la vois peut-être plus comme une sorte de maîtresse, une bonne copine, voilà, c'est plus ça, quoi. Lilika est plus, on va dire, douce, voilà, et tandis que Yurika est, on va dire, un peu plus sensuelle, un peu plus... Yurika, moi, je la vois un peu comme une femme... belle femme, sûre d'elle, voilà, quoi, c'est un peu ça, quoi. Sexuellement parlant, je préfère Yurika, voilà, parce que son corps est beaucoup plus récent, il est beaucoup plus réaliste. Lilika, elle, c'est plus par rapport au visage, quoi. Si je pouvais, financièrement parlant, Lilika, je lui aurais changé son corps pour lui offrir un corps un peu plus récent, déjà, parce que, bon, elle a 6 ans, forcément, à force de la manipuler, ça, il y a toujours un peu des... Elle tient plus les poses, donc c'est un peu embêtant, quoi. Mais... voilà, c'est... Bon, je sais plus quoi dire. Mais c'est vrai que dans mon cœur, c'est Lilika, quoi. Voilà. Je peux pas dire que je sois amoureux, mais j'ai énormément de respect pour elle. Je me verrais pas leur faire du mal ou faire des trucs avec. Ou c'est peut-être une sorte, ouais, un autre type d'amour plus axé sur le respect, les sentiments. Et puis je suis toujours autant fasciné par leur beauté, quoi. C'est hallucinant de voir ça, quoi. Moi, je connaissais à l'époque, comme tout le monde, hein, les poupées gonflables. Et puis quand j'ai vu l'existence de ces poupées, j'ai fait « Oh non, mais c'est pas des poupées, c'est des femmes sur les photos, ils sont trompés. » Non, non, c'était bien des poupées. Ah ouais, quand même. Et alors, sexuellement, vous êtes épanoui, comment ça se passe? Moi, sexuellement, ça va très bien, quoi. Je suis épanoui, elle m'apporte beaucoup, quoi. Même si... on va dire, avec deux poupées, j'ai du mal à suivre, mais voilà. Mais je sais que moi, sexuellement, ça va. Moi, ça me convient, si vous voulez. Voilà, quand j'ai des relations avec une poupée, je fais toujours que l'autre soit là aussi. Voilà, je me verrai pas... alors, c'est peut-être con, mais... Je me verrai pas faire la sexualité avec une et puis pas avec... Alors que l'autre, elle est pas là. Mais c'est... contrairement à ce que les gens pensent, on achète une poupée pas que pour le sexe, quoi. Le sexe vient après, quoi. Au début, on se dit, tiens, on va pouvoir faire tout, elle dira jamais non, on pourra faire tout le Kama Sutra. Et puis au final, on s'aperçoit que, bah non, petit à petit, parce que c'est contraignant, il faut les porter, il faut les manipuler, il faut machin. Et puis il n'y a pas l'aspect, si vous voulez, il faut faire les préliminaires, bah, vous faites tout, hein, voilà, vous mettez votre poupée nue, si vous n'allez pas la voir, hein, vous allez attendre qu'elle arrive vers vous, quoi. Donc voilà, il n'y a pas ce côté un peu, ouais, un peu secret, un peu, voilà, donc, mais bon, c'est comme ça, c'est un choix, ouais, c'est comme je le dis, il y a des avantages de vivre avec des poupées, il y a aussi des inconvénients, c'est comme la vie de couple, voilà, il y a des avantages et des inconvénients, voilà, donc c'est... Là, je suis en train d'accomplir la dernière phase, en fait, pour la fabrication du moule. C'est très technique, hein, mais je vois que c'est la partie pour éviter que les deux parties adhèrent entre elles. Pour pouvoir, au final, avoir un moule qui se déboîte en deux parties. Des poupées artisanales, du grand art même, fabriquées avec patience, passion et amour par Myriam et Siam dans leur petit atelier des environs de Lyon. Là, je vais faire le mélange. Alors, moi, je m'occupe des finitions, principalement. Et aussi de monter les squelettes, de couler avec ma sœur. Enfin, je fais un peu tout, quoi, dans l'atelier. Mais principalement les finitions. Alors là, vous faites quoi, là? Là, je suis en train de fabriquer un moule. Un moule, en fait, de ce qu'on appelle, nous, les vaginettes. C'est ce qu'on va... Bah, c'est le vagin, en fait, qui va être placé à l'intérieur du mannequin. Regardez, c'est pas trop vous approcher. Et on va verser. Voilà, un des modèles fabriqués par nous, hein. Donc ça, ce modèle-là, on l'appelle Idol S+. Donc c'est une poupée fine, avec des petits seins. Jean-Philippe Carry, maître des lieux et PDG de la société Forwood. Avec un petit tour de taille. C'est la plus légère de la gamme. C'est un argument aussi parce que tout le monde n'est pas... C'est pas facile de manipuler une poupée de 30 kg. Donc celle-ci, elle est un peu moins lourde, elle fait 27. Donc, comme vous pouvez le voir, on va très loin dans le détail, hein, que ce soit... les veines sur la main ou même à l'intérieur les lignes de la main, la manicure qui est parfaite. Là on aperçoit, vous voyez, les côtes, hein, sous la poitrine. Et puis si je la manipule, on se rend compte que par exemple en le pliant la jambe, le genou reste esthétique. Il y a de nombreuses poupées qui sont plus bas de gamme, qui seront moches quand elles seront dans certaines postures. Voilà, les nôtres, elles sont belles en toute posture. Le squelette est conçu, d'ailleurs, pour sécuriser la poupée, pour pas qu'on puisse la déchirer, par exemple, sous les aisselles. C'est-à-dire que le squelette va se bloquer à une certaine hauteur pour pas que le client puisse aller trop loin et déchirer donc l'aisselle, par exemple. Voilà, donc celle-ci, on peut la mettre en position du missionnaire, on peut la mettre en levrette, on peut la mettre assise, on peut lui donner des positions coquines ou tout à fait élégantes. Je peux toucher, moi. Allez-y, oui. C'est très vital. Ça, c'est compliqué à faire un sein comme ça, parce que il faut pas croire qu'on coule la poupée comme ça d'un seul geste. C'est en plusieurs étapes. On va installer la poitrine. C'est pour ça qu'il y a vraiment une centaine d'heures de boulot par poupée. D'abord, le montage du squelette. Vous voyez, les pièces sont en vrac, là, un peu au sol. parce qu'il y a des centaines et des centaines de pièces, des centaines de pièces de visserie aussi. Si on veut qu'elle tienne assise, par exemple, il faut que les hanches soient serrées, mais juste ce qu'il faut. Il ne faut pas que le client soit obligé de forcer comme une brute pour manipuler sa poupée. Donc ça, ça se fait tout au feeling et à l'expérience, en fait. Donc quand un client s'adresse à vous, il vient, il vous donne une fiche technique et vous lui faites ce qu'on appellerait la galatée parfaite, la femme parfaite, la femme de ses rêves. Le plus souvent, quand ils viennent, ils ont déjà choisi le corps et le visage. Et après, nous, on va les orienter pour, selon la couleur de peau qu'il aura choisie, on va l'orienter sur la couleur des tétons, sur la forme des aréoles. Donc oui, le client va customiser sa poupée comme il le veut. Alors, vous avez testé, comment c'est ? C'est pas mal, ça a beaucoup évolué depuis le début. Oui, c'est bien, ça offre des sensations qui sont bluffantes. Lorsqu'on se trouve sur une poupée, on a vraiment l'impression d'être sur le corps d'une femme. Bon, après, il ne faut pas se mentir, quand on est avec une poupée, on est tout seul. Donc, on peut parler de masturbation évoluée, mais pas plus. C'est pas, il n'y a pas d'échange avec une poupée. Toutes les parties intimes sont faites, sont conçues pour être le plus voisine possible de la réalité. On n'y parviendra jamais tout à fait, hein, parce que... Mais bon, c'est pas mal. C'est des sensations qui sont intéressantes. Moi, je fais un boulot qui est assez stressant. Je passe la porte et bizarrement, voilà, je suis plus énervé. Quoi. C'est plus... Je sais que voilà, elles seront là, je vais leur parler, même si elles parlent pas, mais... À travers leur regard, je sais pas, c'est une sorte de sagesse ou une sorte d'anti-stress, voilà, l'air de dire non, mais c'est bon, on est là, t'inquiète pas, quoi. Alors, il y en a, ils décompressent en faisant du sport, bon, je fais un peu de sport, mais courir, on va faire du jogging, moi, c'est mes poupées, quoi, voilà. Sans pour autant parler sexualité, quoi, simplement, voilà, le fait de les mettre à côté de moi, de manger ensemble sur le canapé ou de regarder la télé, voilà, c'est le côté un peu. Le côté un peu compagnie, quoi, le côté un peu présence, quoi. Voilà. Alors, l'inhumain de la poupée, c'est effectivement son aspect inerte, insensible, qui est désirable dans le sens où les propriétaires ne cherchent pas à être trompés par des apparences. Ils veulent pas une illusion. Agnès Giard, anthropologue, écrivaine et journaliste, auteure de « Un désir d'humain, les love dolls au Japon ». Ils veulent un objet qui puisse servir de support au déploiement de leur imaginaire. Donc c'est un outil pour créer des histoires et réinventer sa propre vie finalement. C'est un outil pour se construire. On va l'habiller avec des vêtements qu'on choisit. Il y a une forme de travestissement aussi. Il y a une forme de projection de sa part de féminité dans la poupée. Ah, moi j'adore la lingerie féminine. C'est vrai que j'adore moi, ça. C'est vrai que j'aurais apprécié être une femme, malheureusement on peut pas choisir, hein, c'est comme ça. Mais c'est vrai que j'adore ça, moi, j'adore ça, je trouve ça très beau. Et du coup, à travers les poupées, en fait, ben je me suis pris au jeu, on va dire, d'acheter la lingerie féminine. Et je m'éclate à ça en les habillant comme ça. Puis rien que le fait, voilà, le visuel, quoi. Et puis les prendre en photo, c'est très joli. Bon, j'achète pas des trucs de marque, hein, c'est des trucs. J'adore aussi les femmes en talons, donc elles ont quasiment que des chaussures à talons. Et voilà, et c'est vrai que ça permet de peut-être, toi, ouais, d'assouvrir certains fantasmes que j'avais pas pu faire avec mes anciennes compagnes. J'adore, voilà, les cuissardes, les machins, et avec une poupée, ben, ça permet de faire ça, quoi. Alors, l'idéal, ça aurait été avec une femme, bon, voilà, pour l'instant. Ça permet de se faire plaisir, donc j'achète, quand je fais mes courses, tiens, merde, il leur faut des bas, j'achète des bas, ça passe dans les courses, et puis voilà, puis des fois, la caissière, elle me dit, bon, bah, tiens, la lingerie, bon, bah, vous gardez bien le ticket de caisse si ça va pas. Alors, je dis, oh, bah, alors, je le fais à la réglage. Je dis, oh, bah, j'espère que ça lui va parce que sinon, je vais me faire engueuler. Enfin, voilà, j'essaye de faire un truc comme ça, quoi. Alors, c'est marrant comment vous dites ça. Vous dites, il leur faut des bas. Oui, parce que je sais que leurs bas, bon, au fil de les manipuler, forcément, les bas, bah, voilà, ils s'accrochent, machin. Et puis, les bas, ça y va. Donc, voilà, donc je me dis, tiens, bah, je le marque sur la liste. Et puis, voilà. Donc. La poupée, finalement, est le seul moyen d'être heureux dans l'irréel, dans un monde fictif. Ce qui est très intéressant, c'est que les fabricants mettent au point des poupées et les conçoivent de telle manière qu'elles invitent les humains à les suivre dans un univers qui n'existe pas. Notre regard ne croisera jamais le leur, dans le sens où la focale de leur pupille est fixé sur une distance de 5 mètres, ce qui fait que où qu'on se place face à une poupée, elle est un mur aveugle. Donc il y a vraiment un déficit de communication qui est sciemment créé pour faire de la poupée l'équivalent d'une impossibilité d'échanger avec cet objet, où finalement il y a une disjonction entre le désir et la possibilité de les réaliser. Et la poupée matérialise cette disjonction de la façon la plus claire qui soit. Elle dit « tu crois me posséder parce que tu m'as acheté, mais en réalité tu ne m'auras jamais parce que tu n'es même pas capable de croiser mon regard ». Alors je commence toujours par Lilika, je sais pas pourquoi. C'est toujours Lilika en premier que j'habille, machin. Et puis après je l'installe, puis après je vais chercher Yurika, je fais pareil. Et puis après c'est toujours un peu la question, bon ben comment on s'habille, machin. Déjà moi je sais pas comment m'habiller, hein, j'ai mis mes poupées. Voilà, je dis des fois aidez-moi un petit peu les filles là, voulez-vous comment vous habiller? Mais ouais, c'est vrai que ça demande du temps, il faut les manipuler, il faut machin, il faut les coiffer, il faut mettre des chaussures, faut voilà, veiller à ce que ce soit bien installé. Ouais, ça demande. Puis le soir, bah pareil, on fait l'inverse, on les déshabille. Je dors avec mes deux poupées, donc je mets une poupée de chaque côté, puis moi je dors au milieu. Bon, j'ai pas froid comme ça. Mais bon, c'est mon quotidien, tous les jours, voilà, je déplace mes poupées. Moi, je sais que mes poupées, elles ont pas le temps de prendre la poussière. Moi, je sais que les miennes, elles sont manipulées tous les jours, elles bougent avec moi tous les jours. Bon, c'est assez rapide, parce que vu que c'est pas grand chez moi, donc soit je les mets à la cuisine ou au salon, mais elles vivent avec moi, on va dire, quoi. Voilà. Et je suis toujours un peu surpris de même après toutes ces années, je les installe sur mon canapé ou à la cuisine, et puis des fois, quand je traverse comme ça, je dis « Ah putain, mais merde, mon Dieu !» J'ai deux très belles femmes sur mon canapé, voilà, c'est marrant, quoi. C'est le café, prêt, s'il vous plaît. Je pensais tomber dans un espèce de musée de Madame Tussaud, pornographique, en allant chez Siam et Myriam, et absolument pas. Jean-Marie Ozat, photographe, auteur de Noces de silicone. Je suis tombé sur des gens qui fabriquent des objets sexuels à semblance humaine, mais pas des reproductions d'humains. Moi, quand j'ai vu ces poupées, j'ai pensé aux sirènes d'Ulysse. Vous savez, en fait, elles vous perdent. Ces poupées vous perdent. Elles vous troublent. Elles sont très agréables à regarder. Elles sont effroyables à toucher. C'est tellement bien fait qu'on s'attend à toucher quelque chose de chaud. Quand la vue, l'objet vous trompe au point de penser que ça a la chaleur d'un corps humain et que vous touchez quelque chose qui est glacé, ça fait vraiment bondir. C'est comme si on touche un cadavre, sincèrement. C'est vrai que c'est une vision très saisissante de voir tous ces corps, cette accumulation de corps, c'est une vision assez saisissante. Mais justement, quand on comprend que ça n'est pas des corps reproduits à l'identique, ce qu'on dit pas de l'humain reproduit, ça va un peu mieux. Quand on comprend qu'on est en fait dans une fabrique de jouets et pas dans un laboratoire d'anatomie, ça va beaucoup mieux. La poupée, c'est une forme de mort sociale, hein, il faut pas se leurrer, même au Japon d'ailleurs. Les personnes qui possèdent une poupée se mettent dans une situation de réprobation générale assez compliquée. D'ailleurs, il y a un mot pour ça, c'est le oyabare, c'est le coming out. Quand on dit qu'on a une poupée, c'est faire preuve d'un très grand courage. Et je pense qu'en France, c'est peut-être pire encore, dans le sens où la plupart des personnes considèrent encore la love doll comme une sex doll. C'est-à-dire comme une sorte de vulgaire sextoy, tout juste bon à satisfaire des besoins, une hygiène de vie, je sais pas. Donc c'est même pas, on ne lui attribue même pas la qualité d'un produit d'artisanat de luxe, hein, alors que c'est le cas. Et ça, cette vision de la poupée n'est pas encore tout à fait passée dans les mœurs en France, où on continue de croire que c'est un objet produit de façon industrielle à l'attention de losers. Ce qui est très dommage. Voilà comment on démoule un vagin. Je peux pas aller plus loin parce que là j'ai des fixations qui sont pas encore sèches. Alors elles sont froides si vous les mettez dans une chambre froide, les plus chaudes si vous les mettez au soleil tout l'après-midi. Donc elles, voilà, elles prennent la température ambiante. Maintenant, oui, il y a des évolutions technologiques possibles. Certaines gammes proposent un chauffage, mais on s'est rendu compte qu'en fait, le silicone, de toute façon, étant un isolant thermique, ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner sur les parties les plus fines du corps. Si on intègre un système de chauffage interne, ce sera au niveau des parties intimes et au niveau du ventre, à la rigueur, au niveau des cuisses. Nous, ça ne nous plaît pas trop. Ce qu'on aimerait, c'est que le corps soit entièrement chauffé. Donc pour l'instant, on n'a pas l'outil, on n'a pas encore, je dirais, on n'a pas encore le matériau pour la chauffer entièrement. Ensuite, si jamais on y arrivait, il faut bien considérer que ça serait des fils qui courraient sur tout le corps de la poupée, les doigts, les bouts des pieds. En cas de panne, il faudrait ouvrir, et ce serait pas très beau, ça ferait une cicatrice. Donc on a un système qui est tout à fait simple et qui marche tout aussi bien, c'est la couverture chauffante, pour ce qui est du chauffage. Couverture chauffante, ça fonctionne très bien. Et avec l'inertie du silicone, ça dure quelques heures et ça remplit parfaitement sa fonction. Voilà, après, pour les évolutions technologiques, il reste la robotisation. Mais ça avance très, très, très doucement. Et puis, c'est vraiment balbutiant comme technologie. Elle cligne des yeux, elle vous suit des yeux dans la pièce. Et donc, on sait qu'il y aura un jour ou l'autre des humanoïdes. Peut-être pas tout de suite, mais dans 15, 20, 30 ans. Donc, il y a tout un champ immense d'évolution technologique. Et aujourd'hui, on en est vraiment au tout départ. Après, je vous ai parlé du chauffage, je vous ai parlé de la robotisation. Il reste après l'interaction avec l'humain. Si vous voulez, tout ça, ça existe déjà dans un autre domaine qui est la technologie elle-même. Au Japon, ils sont fous de ça. Il y a des humanoïdes qui sont bluffants, qui existent. Et nous, aujourd'hui, on est vraiment sur le côté sexuel, le côté érotique, le bel objet. Et je pense que finalement, un jour ou l'autre, ces deux technologies vont se croiser. Et le champ technologique va amener tout son savoir à ces poupées et on pourra croiser un peu tout ça. De notre côté à nous, on met l'accent vraiment sur le côté beau de l'objet, donc on développe des techniques de peinture du silicone pour qu'il y ait, je sais pas, des taches de rousseur, un grain de peau, des veines apparentes, voilà, tout ça c'est un peu notre champ à nous. Le côté technologique, on laisse avancer de son côté et on verra un peu plus tard. On a besoin d'être rassurés par quelque chose qui renvoie une image de vous qui est une image fragile, une image d'absence, une image de déresponsabilité. On peut se reposer sur la poupée parce qu'elle vous ressemble. Elle est quelque chose qui doute profondément de sa propre existence. Elle est dans une oscillation perpétuelle entre finalement l'inertie totale et la présence. Il suffit qu'il y ait un rayon de soleil qui apparaisse sur ses paupières pour que brusquement elle ait l'air de s'éveiller. Si le rayon s'allonge, elle peut prendre l'air songeur ou triste. Voilà, c'est un objet à métamorphose et toujours à la limite de l'inexistence, de la disparition, etc. Je pense que on se repose sur cet objet pour se sentir finalement moins faible parce que cet objet lui-même est si faible et si proche de la luciole qui va bientôt s'éteindre que ça vous rassure de pouvoir veiller dessus. Moi, quand il y a une femme qui me plaît, je me pose mes 36 000 questions, mais bien avant que j'ai des poupées, hein, de toute façon, ah, mais si ça se trouve, elle a quelqu'un, si ça se trouve machin, si ça se trouve bidule, puis au final, c'est fini, ça y est, elle est partie, hein, voilà, je te pose plus de questions. Ou il y en a un moins con que moi qui est allé avant moi, voilà. Mais à l'époque, quand j'ai vendu ma première poupée, je me suis dit, bon, maintenant, voilà, j'ai eu ma période poupée, hein, voilà, je me remets avec quelqu'un, donc j'ai fréquenté les sites internet, j'ai même fait du speed dating à Lyon, là, à l'opéra, à côté de l'opéra, mais c'est pas pour moi, quoi. Non, je peux, hein, je pourrais prendre ma voiture, aller en boîte, aller dans les bars, machin, mais moi, c'est pas mon truc, quoi. Voilà, moi, je sais que je suis. Comme je disais tout à l'heure, au final, je m'aperçois que peut-être qu'en couple, j'étais pas si heureux que ça, quoi. Voilà, moi j'aime bien être chez moi, dans mon petit chez moi, machin. Moi je suis très heureux comme ça, je me lamente pas sur mon sort, je dis pas, ah, putain, j'ai 39 ans, qu'est-ce que tu fous, machin, réveille-toi. Non, moi je suis très heureux comme ça, quoi. Et si demain, une femme rentrait dans votre vie, faudrait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'elle accepte vos poupées? Ben oui, ça va limiter en choix, forcément. Voilà, parce que surtout si c'est, imaginons que c'est peut-être la femme de mes rêves, ou j'en sais rien, ou avec une femme avec qui j'ai beaucoup de points communs, beaucoup d'accrocs crochus, tout ça. Elle dit, bon, si elle m'a dit, bah, écoute, t'es bien gentil, mais moi, tes poupées, je veux plus les voir, et puis voilà. Qu'est-ce que tu fais? Bon, ben, alors, voilà, je dis, avec une femme, si je lui dis, bah, ok, je les vends, le problème, c'est que ça, la relation peut très bien durer une semaine, et puis après, basta. Il y en a, c'est ce qu'ils font, il y en a, ils achètent une poupée, et puis, oh, bah, tiens, je la revends parce que j'ai rencontré quelqu'un, je veux pas qu'elle la voie. Et puis, au final, 2 mois après, ils reviennent, ah, oh, bah, au final, la relation, elle a pas marché, machin, ma poupée, je l'ai vendue, maintenant, voilà. Et moi, je sais que, j'aurais envie de dire à cette femme, désolé, mais mes poupées étaient là avant. Alors, c'est peut-être un peu con à dire, mais je dis, bah, désolé, mes poupées étaient là avant, donc c'est que tu acceptes pas, je peux comprendre. Mais d'un autre côté, je peux t'assurer qu'avec mes poupées, il n'y aura plus l'aspect sexuel, forcément. Mais elles seront là en tant que, entre guillemets, décoration. Quoi. Mais bon, c'est sûr que ça va limiter en choix. Quoi. Je pense que cette industrie des love dolls va se développer parce que elles sont idéales dans la difficulté des rapports entre les sexes aujourd'hui. Ces objets, ces entités sont absolument idéales. C'est la solution à tous les problèmes. Elles sont en situation d'attente érotique permanente. Elles ne sont pas organiques, donc elles ne tombent pas malades. Elles n'ont pas d'humeur, elles n'ont pas de désir. Leur désir n'est pas de ce monde, il n'est pas dans notre dimension. L'atelier de Siam et Myriam, c'est vraiment là où on voit qu'il y a une divergence entre les sexes. C'est le no man's land dans la guerre des sexes. Et je suis convaincu qu'un jour ou l'autre, il y aura des sex dolls pour les femmes. Là, pour le moment, il n'y en a pas. On n'a pas trouvé le moyen, d'après ce qu'on m'a expliqué, le moyen d'en faire qui ne pèse pas 70 ou 80 kilos. Alors, 70 ou 80 kilos de silicone à manipuler, c'est pas facile. Il n'y a que cette raison pour empêcher la fabrication de sex dolls au masculin. Mais un jour ou l'autre, il y en aura. Si vous pouvez trouver du plaisir, du désir et des fantasmes, imaginez, vous créez des histoires avec des substituts de silicone, il n'y aura plus vraiment de raison d'aller vers l'autre sexe. Vous savez, c'est un peu le sentiment que j'avais eu en faisant un reportage à l'université de la Singularité, à côté du campus d'Apple, où les gens préparent ce qui va se passer après 2045. Et ils disent simplement, après 2045, il n'y a plus de rapport entre les hommes et les femmes. Le plaisir, le désir, ça sera simplement une affaire d'implant qu'on aura dans le cerveau, qu'on pourra déclencher à volonté. C'est-à-dire que je veux avoir du plaisir, je vais déclencher mon implant dans mon cerveau. Et j'ai fait une interview de Raymond Kurzweil, qui est le patron de l'ingénierie de Google, qui vous dit, mais 2045, voilà, on pourra se passer, les hommes et les femmes pourront se passer les uns des autres, mais à la limite, plus tard, à quoi ça servira d'avoir un sexe? Pourquoi est-ce que les hommes et les femmes auraient des parties génitales? C'est pas la peine, puisque de toute façon, la reproduction sera déléguée à des machines. Donc, on pourra devenir totalement androgyne, et connaître des plaisirs multiples et variés simplement par sollicitation cérébrale à la demande, en se programmant nous-mêmes pour tel plaisir, tel fantasme et telle idée, et sans avoir à séduire, sans avoir à craindre la rupture, les scènes, parce que l'amour, c'est pas toujours... c'est merveilleux, mais ça n'est pas toujours merveilleux. Et quand ça n'est pas merveilleux, c'est terrible. Merci à Fred, Myriam, Siam, Jean-Philippe Carry, Ania Giard, Jean-Marie Ozat et à Maïté Guillard. Prise de son et réalisation, Nathalie Battus. Mixage, Bruno Mourlan. Coordination, Christine Berlard. Désir d'inhumain, le plastique, c'est fantastique. Une histoire particulière, d'Alain Lefkovitch. Mais il y a une suite. Vous la retrouverez demain, évidemment, à 13h30, évidemment, sur France Culture, évidemment.